Bonjour à tous et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le numéro 1 de ce nouveau podcast Comic Stories sur nos écrans. Peu de différence par rapport à l'ancienne version, mais puisqu'il y avait un redémarrage global des podcasts de Comic Stories et que nous avons souhaité renuméroter à partir du numéro 1 toutes les émissions, cette semaine vous n'avez que des numéros 1. Au programme ce soir, énormément de news ciné-télé. Ça va nous occuper une bonne partie de l'émission, et puis après on passera au débrief de la série The Flash, qui a fait son retour depuis deux épisodes pour nous, puisque nous sommes le 1er février, jour d'enregistrement de l'émission. Vous avez peut-être vu trois épisodes. Et puis après ça, je pense que nous aurons atteint le temps qui nous est imparti, et il sera temps de se quitter. Je suis Mathieu, et vous allez écouter le premier épisode de Comic Stories sur nos écrans. My name is Bruce Wayne, and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Oh, there will be chaos, rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost, and then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Avec moi ce soir, du côté de sur nos écrans, Elodie. Bonsoir tout le monde. Arnaud. Salut. Et en fait c'est tout. Et du côté de Comic Stories, Byron. Salut. Allez, on va attaquer vite avec l'actu ciné, puisqu'on a 6 news du côté ciné et encore 6 du côté télé avant de passer au débrief. Donc on va essayer de faire ça vite. Eh bien, Byron, tu vas commencer avec une annonce concernant Captain America. Oui, puisque le rôle du Baron Zemo a été attribué à Daniel Brühl. Alors, c'est justement pour jouer dans Captain America 3, Civil War. Bah, ce sera, comme je pense tout le monde le sait, une opposition entre Captain America et Iron Man. Bah, c'est pas pour autant qu'on ne va pas avoir de grands méchants vilains, puisque ben il y aura ben, justement le Baron Zemo et Crossbones, qui voilà. Est joué par Frank Grillo. Donc pour Daniel Brühl, on savait déjà qu'il était casté. A priori, ce serait pour le Baron Zemo. On n'attend plus qu'une confirmation, mais bon. La rumeur est quand même très très grosse. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un peu trop de méchants à Captain America dans ce film? Bah justement, parce que je pense qu'une opposition entre d'un côté Captain America et Iron Man, je pense que ça devrait... Ça peut faire largement un film, alors si maintenant tu mets encore un autre truc à côté, j'espère que ce sera pas mal développé, quoi. Disons qu'avec tous ces gens après sa peau, ça sent quand même le sapin pour Steve Rogers. On le verra peut-être juste au début pour faire le lien avec la fin, le retour d'Hydra, tout ça. Peut-être. À voir. On a bien le temps d'avoir des nouvelles annonces, et peut-être que ce sera pas le Baron Zemo, hein, d'ailleurs, mais il y a quand même de très grandes chances. Elodie, tu vas nous parler d'un film qu'on attend tous avec impatience. Fantastic Four. Oui. On a pu voir le trailer vendredi dernier, le 30 janvier. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais bon, disons que c'est plutôt correct, alléchant, on va dire. Merdique. Alors voilà, on a d'un côté quelqu'un qui lit des comics et de l'autre Elodie qui ne lit pas de comics. C'est ça, totalement. Je suis totalement neutre. Donc, du coup, toi, tu prends ça pour un film de super-héros ou juste un film science-fiction? Oh, un peu des deux. Un peu des deux. Mais par contre, ce qui me dérange plus, c'est le casting. J'ai un peu du mal, j'arrive pas à... Surtout Miles Teller, j'ai un peu peur en Reed Richards. C'est un casting CW ou quoi? Oui, mais quand même, le Richard, c'est quand même celui qui me fait le plus peur hein, aussi. Hein, c'est chaud. Oui, hein. Oui, même Jamie Bell. enfin, bon, je sais pas, après, c'est à voir. On ne touche pas à Billy Elliot, s'il te plaît. Comment? On ne touche pas à Billy Elliot. Mais non, mais je sais pas, hein, après, c'est à voir. Mais dans la bande-annonce, ils ne m'ont pas trop convaincu. La bande-annonce, justement, Byron, Arnaud. Oui, je l'ai vu, je m'attendais à pire, quoi. Mais bon, après, j'en attends pas grand chose de ce film, donc je peux limite que être surpris, quoi. Donc, je pense que j'irai le voir et je sais très bien que ce sera, je pense, très très différent des comics, donc ce sera une vraie adaptation, quoi. Et je pense pas que je serai déçu plus que ça, parce que j'en attends, bon, comme j'ai dit, j'en attends pas tellement non plus. Et toi, Arnaud? Je m'attendais à une daube, Et Et tu as j'ai eu pas été d'autres. déçu. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ouais, ben, j'ai été surpris par une chose, moi, dans le film, c'est qu'il ne parle pas de super-heroes, il parle de science-heroes. Et donc, voilà, c'est vraiment. Est-ce que c'est la volonté de se détacher des super-héros, ou est-ce que c'est la volonté de se raccrocher à ce que sont les Fantastic Four, c'est-à-dire des scientifiques, qui vont explorer des mondes et des époques, et puisque toutes leurs aventures. Partent de là à la base, hein, c'est qu'ils partent à l'exploration et puis bah, forcément à chaque fois ça tourne mal, mais il y a quand même ça qui est dans les gènes des Fantastic Four. Donc est-ce que ça doit être rassurant ou pas cette utilisation du terme Science Heroes? Je sais pas encore. Pour le reste, oui, j'ai été ni emballé ni déçu, ça m'a ni chaud ni froid quoi. Je suis pas rassuré quoi, pour le moment quoi. J'ai Bon, envie de dire, on pourra juger que quand il y aura le film, quoi. disons que voilà, j'ai plus l'impression qu'on nous prépare un film de science-fiction qu'un film de super-héros, donc. Oui, à la limite, je trouve que ça peut être plutôt pas mal, quoi. Ça colle bien justement au thème des quatre fantastiques et tout. Donc ça sera vraiment un film qui va changer justement des trucs de super-héros et quoi. Et je pense que ça peut marcher. Ce sera sûrement pas le meilleur film, Oh, ça c'est sûr, oui. ouais, mais bon, ils essaient de construire un univers partagé avec les X-Men. C'est compliqué s'ils parlent pas de super-héros. Bah, pas forcément, je pense que tu peux. C'est pas parce que dans un thriller ils l'ont appelé Science Heroes qu'ils vont pas se Ah oui. transformer en super-héros. Je pense qu'à un moment ou un autre, on va quand même y venir. Je pense. Ouais, il faudra. Il faudra. Bon, allez, c'est juste un trailer, on verra la suite, les prochaines vidéos, les prochains visuels tout qui tomberont. Et puis on verra avec le film surtout cet été. Arnaud, on va passer à un film qui, lui, nous attend dans quelques années. Oui, c'est Avengers Infinity War. Donc, comme tu disais, qui va sortir dans très longtemps, 2018 pour la première partie et 2019 pour la deuxième. Et Joss Whedon a confirmé, ça avait déjà été dit à demi-mot avant, qu'il ne réalisera pas le film. Et la rumeur veut depuis le Marvel Event que ce soit les frères Russo qui ont réalisé Winter Soldier. Et donc il a dit qu'il ne réalisera pas le film parce que c'est beaucoup beaucoup de boulot et que ça l'a juste tué de faire les deux premiers Avengers. Mais il a aimé bosser avec Marvel. En même temps, il est encore sous contrat, donc il va pas dire que c'est des gros connards. Hein. Oui. Mais il dit qu'il pourrait rester chez Marvel. En même temps, il y a une rumeur comme quoi il pourrait être impliqué dans l'écriture du scénario du film. Donc ça peut être une façon de rester Oui, chez Marvel. certainement, oui. Mais bon, est-ce qu'il serait pas en train de nous préparer quelque chose à la Ah, télé ou... si, il a dit que justement dans la même interview que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas créé son propre univers et que ça lui manquait. Voilà, donc est-ce que c'est pas le moyen de se libérer du temps justement pour nous sortir une nouvelle série ou quelque chose à la télé Oui, ou d'ici un 2 ans, film, hein. peut-être, Qui va plancher sur les différentes séries Netflix aussi, peut-être, si possible. je pense qu'il en a un peu marre de Marvel pour l'instant. Il avait déjà fait une pause Marvel avant d'y revenir. ouais, on verra, on va guetter son avenir en tout cas, mais a priori voilà. Un break dans la réalisation du côté de chez Marvel. Et puis bah, dans cette interview, il n'a pas dit que ça, Arnaud. Non, c'est une autre interview qu'il a Ah, c'est une donnée autre. cet été, avant justement le Marvel Event. Hein, et il explique que lui, qui est connu pour Buffy et les progrès féministes qu'il a fait grâce à la série, il est très déçu et il trouve que, il avoue même que l'industrie des films adaptés de comics est une industrie sexiste et ça le. Il déplore cette vision d'Hollywood. Mais c'est une interview qu'il a donnée avant que Marvel annonce le film Captain Marvel. Et justement, il est revenu cette semaine sur cette interview en disant que forcément c'est sorti avant, qu'il est heureux que Marvel fasse le grand pas avec ce film. Donc, On tant appelle mieux. ça du rétropédalage. Oui. En même temps, je suis étonné qu'il n'était pas au courant d'une sortie d'un film de Captain Marvel. C'est étrange. C'est bizarre, ouais. Ma foi. Allez, on va passer à une autre franchise maintenant, toujours un petit peu du côté de chez Marvel. C'est une franchise Disney, la franchise Star Wars, et on a eu la confirmation que le film Star Wars 8, c'était pour l'année 2017, fin 2017 pour être précis. Et puis l'épisode 9, quant à lui, sera en 2019, donc un épisode tous les 2 ans. En ce qui concerne les films standalone, donc qui sont dérivés de ces films principaux, on sait qu'on en aura un en 2016, a priori sur des personnages nouveaux. Peut-être pour plus développer les personnages introduits dans l'épisode à venir, l'épisode 7. Sans doute, ouais. Et puis par contre, on avait entendu parler d'un film standalone par Geoff Trunk, donc celui qui fait les 4 Fantastiques. Pour le moment, ça passe à la trappe, puisqu'on n'en a pas entendu parler. Donc ça nous laisse encore 5 ans devant nous de Star Wars au cinéma. Il y a un petit peu beaucoup un film Star Wars tous les ans. Bah, là, on est sur tous les 2 ans, oui, plus le film Enfin, dérivé en dans 2000. l'univers Star Wars. Oui, voilà, plus le film dérivé en 2016. Oui, bah oui. Disons que quand on rajoute ça aux franchises comics, ça peut faire beaucoup, mais bon. Et puis on va terminer du côté du cinéma par une news qui est tombée ce week-end. C'est Sony qui s'est offert les droits pour adapter Descender. Descender, c'est la série que Jeff Lemire, n'importe quoi. Jeff Lemire et Justin Nguyen vont sortir en mars chez Image. Donc cette fameuse petite histoire qui parle d'un monde sans Android, etc. On vous en avait parlé dans un épisode de l'ancienne époque des podcasts. Voilà, Sony s'est offert déjà les droits de ce comics en espérant qu'il se démerde mieux avec qu'avec Spider-Man. Allez, on va passer à la télé, on va revenir un peu dans ton giron, Elodie. Ah. Et tu vas nous parler d'un projet qui était une Arlésienne et qui semble se confirmer. Oui, en effet, la Fox apparemment aurait confirmé une série dans l'univers des X-Men. Donc ça n'arriverait pas avant 2 ans. Ce serait plutôt la saison 2016-2017. C'est un peu long à cause, disons à cause des droits Marvel et tout ça. Bah oui, Marvel qui est sur la télé, et ils veulent pas, j'imagine, laisser la Fox faire une série télé aussi facilement que ça. Mais c'est bizarre parce que il y a quelques années, ils avaient annoncé que la Fox avait les droits ciné et télé des X-Men. Contrairement à Sony, qui n'a que les droits ciné de Spider-Man. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une clause qui dit qu'il devait faire des choses à la télé pendant un certain laps de temps? Peut-être. Parce que bon, concrètement, dans l'univers des X-Men, à part Mutant X. Oui, et c'est Marvel, ça. Donc voilà, il n'y a rien eu de la Fox, donc est-ce qu'ils n'ont pas laissé mourir la licence? Je sais pas. Hein. Je sais pas quels Peut-être. sont les termes du contrat, mais. Oui. À voir. À voir. Bon, bah, s'il y avait une série télé sur les X-Men, est-ce que ça vous brancherait? Bah oui. Ouais, je comprends pas. Ça Après, dépend du concept. faut voir avec les effets spéciaux, les personnages et ainsi de suite, quoi. Oh, les effets C'est spéciaux, quand on vraiment voit ce que pas. la CW a réussi à faire, je pense que la Fox a les moyens de nous faire quelque chose de Ouais, tout à bon, fait après. correct. Ouais, et après, faut voir aussi les personnages. L'histoire. Parce que je pense que si c'est une équipe de second couteau de X-Men, je sais pas, je pense pas que En ça fait, le me souci principal, à mon avis, ce sera que ça va être comparé forcément au film. Et à mon avis, ils n'arriveront pas à se payer des acteurs comme les acteurs qu'il y a dans les films X-Men. Oui, mais après, les X-Men, moi, je trouve que c'est une franchise, une saga, appelez ça comme vous voulez, qui se prête beaucoup plus au format série télé qu'au format ciné. C'est tellement foisonnant, il y a tellement d'équipes parallèles, de trucs, Oui, ça aussi. ils ont tellement eu d'aventures qu'en série télé, ça pourrait vraiment donner quelque chose de sympa. Et puis on pourrait avoir, oui, une équipe qui ne serait pas celle des X-Men, mais l'équipe de Oui. X-Factor, X-Force, enfin, il y a plein d'équipes comme ça qui ont eu des histoires pendant des années et des années, et ça pourrait donner franchement quelque chose de super chouette en série télé. Bon, mon seul problème, c'est que c'est la Fox, mais après. La rumeur voulait que ce soit une série X-Factor. Oui, voilà, en plus. X-Force, pardon. X-Force, Ou ouais, ça. une série sur Quicksilver aussi, non, il y avait comme en Non, mais rumeur. voilà, il y a plein de choses possibles dans les X-Men côté série, donc ça pourrait être super chouette. On va complètement quitter les X-Men, on va revenir du côté de Netflix cette fois, Arnaud, avec un docteur qui va camper un homme violet, enfin. Oui, on a appris que David Tennant, qui jouait la 10e incarnation du Docteur dans Doctor Who, et qui est en ce moment dans Broadchurch, jouera Kilgrave, donc en français l'homme pourpre, dans la deuxième série de Netflix, aka Jessica Jones. Je me fais toujours pas ce titre merdique. Bah, disons que Alias Jessica Jones aurait été mieux, quoi, parce que Jessica Jones c'est le personnage de la série Alias de comics, donc. Oui. Mais aka, ça veut dire alias. Ouais, mais bon, du C'est coup, moche. autant dire Alias, quoi. Oui, mais c'est moche. Ouais. Et on a aussi appris qu'une autre actrice qui allait rejoindre la série, c'est Rachael Taylor. On a vu dans Grey's Anatomy, dans Six, Oui, 666 par Camus, et dans Charlie's Angels. Donc deux séries qui n'ont pas vécu longtemps. Deux séries magnifiques, et elle va jouer Trish Walker, qui est connue sous le pseudo de LK, c'est ça, oui, je crois. Oui. Et donc dans la série, elle jouera la meilleure amie de Jessica Jones, qui remplace Carol Danvers, puisque Carol Danvers sera Captain Marvel dans les Après, films. Il peut toujours être fait mention de Carol Danvers dans la série, mais du coup, oui. Voilà. Mais comme le personnage appartient à l'univers, c'est... Oui, oui. Bien, un casting David Tennant, c'est quand même un gros coup pour la série Netflix. Pour c'est clair. Autant pour Doctor Who que pour Broadchurch, parce qu'il a quand même, dans deux registres différents, montré toute l'étendue de son talent. Et il s'est quand même fait un sacré nom, donc... Et c'est des séries très populaires aux États-Unis. Vous avez bien parlé de Grace Point. De Grace Point. Ah c'est oui, mais de non, Church. Non, ouais, mais non. Moi, ça n'existe pas, ça, pour moi. Il y a Broadchurch, point. Vaut mieux l'oublier. Je comprends même pas pourquoi ils sont embarqués là-dedans. Bref. Allez, on va passer... Vas-y, Elodie. Non, un autre débat, je dis. D'accord. On va passer toujours du côté casting et du côté série télé. On va revenir chez DC cette fois avec Gotham. Et oui, je vais vous parler de Gotham. Ah. Deux annonces sur Gotham sont sorties cette semaine. Tout d'abord, Colm Farrell, qu'on a pu voir dans Pearl Harbor, Paycheck et le deuxième film The Amazing Spider-Man, sera le Dollmaker dans Gotham. Et puis, on a également appris que dans l'épisode 17, on aurait le Red Hood Gang qui allait apparaître. Et en plus, je crois que c'est dans l'épisode précédent. Que c'est dans l'épisode précédent où, si tu lis le résumé de l'épisode, il parle d'une attaque de clowns. D'accord. Mais ils avaient dit qu'ils ne mettraient pas le Joker. Non, ils avaient dit qu'il y aurait plein de références au Joker. Donc là, c'est Red Hood Gang, une référence claire. Mais bon, on verra ce qu'ils en font. On n'est plus à une incohérence près, de toute façon. Tu as une mauvaise idée près. Oui, c'est ça. Mais je vais rattraper, je vais rattraper Gotham. Est-ce que tous nos auditeurs voulaient savoir? Est-ce que tu allais continuer? Voilà, mais genre, je vais rattraper. Maintenant, quand est-ce que je commencerai, je sais pas. Allez Arnaud, on va rester dans le côté des mauvaises nouvelles, parce que John Carter, ça prend pas du tout. Ça fait un gros flop, là. La série a été absente une semaine et elle est revenue pour son quatrième épisode. Et elle a fait en audience 4,6 millions. Et c'est sur la cible que ça fait très mal, elle est tombée à 1,3. Mmh. Et sur la cible, elle fait même pire que la saison 2 de Agents of S.H.I.E.L.D. Donc ça, ouais, sent pas bon pour la série. Dommage, puisque dans le mag de mardi, là, on vous invite à réécouter ce qu'on avait dit, mais voilà, on a vu qu'a priori, il pourrait y avoir des liens avec le film Ant-Man qui serait intéressant, donc... Dommage. Oui, pour l'instant, en plus, ça part plutôt bien, hein, mais... On vous fera un débrief. Comme une mini-série. Hein. Oui, voilà. De toute façon, c'était prévu comme ça. On non, vous fera ça pouvait être renouvelé. Oui, mais j'y croyais pas une seconde. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours considéré, moi, comme une mini-série en 8. Et puis c'est très bien comme ça. On vous fera un débrief, hein, de la saison, une fois qu'elle sera terminée au mois de mars. Byron, on continue avec un retour dans Arrow. Oui, on va assister au retour lors de l'épisode 17 de la Suicide Squad. Puisqu'ils ont révélé le titre de cet épisode, qui s'appellera Suicide Tendencies. C'est donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute, et il y aura donc la Suicide Squad qui va intervenir durant cet épisode. Et donc, je pense que c'est plutôt fait pour peut-être, comme les rumeurs l'indiquent, créer... une sorte de à nouveau un spin-off, et du coup essayer de les introduire encore plus dans cet univers partagé qu'ils essaient de faire, quoi. Alors moi, cette news, je pense que c'est une grosse connerie de la part de l'équipe d'Arrow. On a annoncé un film Suicide Squad qui sera pas du tout avec les mêmes acteurs que ceux qu'on voit dans la série. Ils vont nous faire revenir les personnages qui seront dans même pas deux ans incarnés par d'autres personnes. Peut-être pour en faire une série, et puis peut-être pas, et puis finalement ils reviennent quand même dans Arrow. Enfin, il y a rien, un souci. Moi, pour moi, avec la Suicide Squad, il y a un vrai souci du côté de cette équipe. Je pense pas qu'il y aura de spin-off. Je pense pas non plus, mais à quoi ça sert de les ramener là? Ah, rien. Surtout qu'en plus, il y aura de l'équipe d'origine qu'on a vu dans la saison dernière, il y aura que Deadshot. Voilà, Deadshot, et puis donc Cupid qui va arriver dans l'équipe, et puis... Mais c'est peut-être aussi lié au flashback avec la nana dont j'ai oublié le nom. Amanda Waller. Ouais. Peut-être. Peut-être ça expliquerait, oui, le fait qu'il y ait que Deadshot, mais je sais pas. Bah non, puisque Cupid... Oui, il a été reculé. Oui, Cupid est arrivé. Arrivé après. Oui, il est arrivé dans cette saison, la magnifique Cupid avec ses flèches en cœur. ouais, à voir, mais moi ça me laisse un peu circonspect, toutes ces histoires-là. Un épisode 18 qui s'annonce chiant. Voilà. Ouais, surtout qu'on sera dans le dernier dans la dernière ligne droite concernant le final de la saison, et ça va faire un épisode qui va... Bah, ça sera clairement l'épisode standalone, un peu le ventre mou. On a toujours, dans toutes les saisons d'Arrow, autour de cet épisode-là, entre le 15 et le 20, il y a toujours une période où on a un vrai ventre mou, où ça devient presque chiant sur certains épisodes, et puis après, les trois derniers t'en mettent plein la gueule. Pour ralentir l'intrigue. Donc bah voilà, cet épisode-là, on sait à quoi ouais, il va servir. C'est vrai que Deagle va se plaindre tout au long de l'épisode à cause de son frère, machin, et que finalement, Deadshot va partir, et voilà, tout le monde sera content, quoi. Ouais, à suivre. Elodie, allez, dernière news pour une série qui n'est pas encore diffusée. Non, en effet, Supergirl, ça y est, ils ont casté Jimmy Olsen, qui sera incarné par... Mekat Brooks, je sais pas si j'ai bien prononcé. Et l'originalité, c'est que l'acteur est noir. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un petit buzz en prenant un acteur noir. Voilà, je pense que ça va pas. C'est pas vraiment le physique de Jimmy Olsen. Oui, non, pas vraiment. Mais bon, après, ça dépend comment chacun l'imagine. C'est ça. Bon, ben voilà, le casting de Supergirl qui s'étoffe. On a découvert également un premier vilain de l'univers de Superman qui allait a priori être reprise avec Supergirl. Donc, la série avance, fait son petit bonhomme de chemin. Oui, c'est tombé vendredi, je crois. Alors, par contre, le nom comme ça, là, de tête, je l'ai oublié. Lumberjack, voilà. Et bien voilà, on a enfin fini le tour des news. Je crois qu'on n'aura jamais fait autant de news dans une émission série télé et cinéma. On va vite enchaîner sur le débrief de The Flash. The Flash, deux épisodes ont été diffusés depuis la reprise, cette fameuse épisode de mi-saison qui nous dévoilait l'identité du Reverse Flash. Qu'en est-il? Est-ce que nous sommes rassurés? Parce qu'on était quand même assez mitigés hein, quant à ce mid-season final. Est-ce que maintenant, deux épisodes plus tard, nous sommes rassurés? Est-ce que les choses ont avancé? Eh ben, c'est ce dont on va essayer de parler pendant une dizaine de minutes, grand max. Oh bah, y a pas grand chose à dire. Ah, allez, bah tu attaques la première, vas-y Elodie. Ah bah, c'est ça, enfin, le mi-saison final, au final, ils en font des allusions. Alors ça, ils savent faire, mais alors, c'est pas vraiment évoqué à nouveau concrètement, quoi. Alors clairement, voilà, moi, quand j'ai vu le premier épisode, l'épisode 10, donc, le retour, là, une seule mention, rien. C'est comme si le mi-saison final n'avait pas existé. On est d'accord. C'est oui. Comme si le River Slash n'était jamais venu, qu'il s'était rien passé. Je me suis dit, mais... Si, t'as des petites allusions, tu vois, genre il était prêt, limite, à sortir de son fauteuil pour aller des Flash s'il y avait un problème, quoi, mais... Voilà. Non, mais bon, c'est genre, voilà, maintenant, vous savez que c'est lui. Tu vois qu'il va vite, mais... Alors ça, on le voit dans l'épisode 11, effectivement, où il se lève, qu'il se déplace très vite, oui. Notamment dans sa maison, etc. Mais c'est tout, quoi. Mais la rigueur, c'est déjà une belle avancée. C'est déjà une belle avancée maintenant de voir qu'effectivement, c'est bien lui qui avance, qui va très vite. On l'a vu sans son costume avancer très vite. Enfin voilà. Là, ceux qui en doutaient encore, maintenant, c'est certain. Alors, on comprend pas trop par contre s'il y a un truc qui l'aide ou pas à avancer vite. C'est assez bizarre. Il a l'air d'avoir un problème avec ses pouvoirs. Bah, c'est ça. Je pense que c'est dû à son voyage dans le temps. Je pense toujours qu'il vient du futur et que c'est dû à son voyage dans le temps s'il a ses problèmes avec ses pouvoirs. Et étant donné qu'on a un épisode bientôt qui va traiter des voyages dans le temps, possible. Je me dis tiens, voilà, il doit y avoir un lien forcément. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème avec la Speed Force, parce qu'il n'arrête pas de demander à Barry de courir le plus vite possible, de se dépasser. Oui, c'est, que c'est parce que ça doit, Barry ça doit crée la, c'est lui crée qui la crée la Speed Force, donc ça alimente la Speed Force et ça doit alimenter lui ses pouvoirs du coup. Ouais. Non, c'est pas parce que je sais pas, c'est son truc jaune là, bizarre, un truc un peu Iron Man là. Oui, l'appareil Attaquion. Ouais, bah on sait pas trop. Moi, je le vois comme une batterie en fait. C'est ça. J'ai un peu l'impression que c'est un truc qui lui recharge ses pouvoirs Mais je vois pas trop. En attendant un événement dans le futur qui devrait lui rendre complètement ses pouvoirs. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé dans l'épisode 11. Bah ouais, on sait pas trop, moi je trouve que c'est assez confus. Byron, toi, sur cette partie-là de l'intrigue, d'abord, est-ce que tu as vu ces deux épisodes? Parce que je t'ai même pas posé la question. Oui, c'est vu. Alors vas-y, sur cette partie-là, professeur Wells. Ben, je sais pas trop comment dire parce que finalement, comme tu l'as dit, on n'en sait pas beaucoup plus, quoi. C'est comme si vraiment il s'était rien passé et juste à part une ou deux allusions, histoire de nous faire dire que bah ben, voilà, c'est lui, mais je pense qu'il va falloir vraiment attendre la fin de la saison pour vraiment en savoir beaucoup plus, savoir vraiment cette révélation. Et c'est pas, c'est vrai que c'est une belle avancée, enfin, de savoir que maintenant on sait que c'est vraiment lui, il n'y a pas de doute à avoir ou quoi. Maintenant reste à savoir pourquoi il est là, dans quel but et ainsi de suite. Ah bah on sait que ses buts ouais, sont de plus en plus mystérieux. Hein. Après, l'allusion à la Speed Force, je trouvais ça plutôt cool quand même d'utiliser ça pour, ça renforce vraiment le côté comics et ainsi de suite, qui a peut-être, qui c'est pas qu'il manquait, mais je trouve que c'est plutôt cool. Que cette série, justement, c'est une qui est vraiment bien axée sur les comics, et là, ça continue vraiment à l'être, et ça fait beaucoup de ré ils font beaucoup de références à tout ça, et je trouve ça plutôt cool, hein. Ouais, je vous propose maintenant de parler un petit peu des vilains, des ennemis là qu'on a pu rencontrer dans ces deux épisodes. On a retrouvé d'abord dans l'épisode 10, on a retrouvé Captain Cold, qui était en tandem avec Heatwave. Les frères de Prison Break. N'est-ce pas, qui se retrouvaient. Et puis dans l'épisode 11, le dernier en date pour nous, on a eu droit à Pied Piper quand même, qui en est un personnage emblématique de l'univers de Flash. D'abord sur les, allez, on va dire les deux frères, parce que même s'ils sont pas frères dans la série, qu'est-ce que vous avez à dire sur Heatwave et Captain Cold? Bah, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Je trouvais ça, par contre, j'espère que l'équipe elle va quand même se constituer assez rapidement et pas qu'il y ait un ajout à chaque fois. Ce serait un peu redondant, quoi. Et j'espère que ça va justement, bah, qu'on va l'avoir rapidement au complet pour avoir vraiment un épisode ou deux même de bonne qualité, quoi. Bah Snart a fait référence à sa sœur, je crois, hein, dans l'épisode. À la fin, Voilà. celle qui vient les libérer. Exact. Donc, oui, en plus. Pas expliquer son sens. C'est les Rogues, en fait, c'est les Rogues, c'est une équipe de super vilains un peu bracassés qui dans les comics qui est souvent confrontée à Flash. Enfin, c'est un peu l'équipe, c'est les méchants alpha de Flash, quoi. C'est vraiment à chaque fois qu'il y a une grosse histoire, c'est souvent eux qui sont là. D'accord. On a eux et on a Grodd, Gorilla Grodd, dont on a vu la cage pour le moment dans l'épisode pilote. Ok. Bah tiens, toi qui du coup ne connais un petit peu moins ses ennemis, qu'est-ce que t'en as pensé? D'abord du retour de Captain Cold et puis des deux autres. Bah, c'était. Non, je trouvais que les intrigues étaient sympathiques. Voilà, rien de transcendant. Mais c'est pas des méchants méchants dont on se souviendra longtemps, j'ai envie de dire. Après, voilà, je trouve que bon, bah, ça servait bien l'histoire pour l'épisode. Après, leur caractéristique, c'est que c'est pas des méchants qui veulent conquérir le monde ou tuer des masses de personnes. Voilà, C'est ça, c'est ils c'est des, veulent c'est, c'est juste. des, c'est des voleurs, c'est. Ils veulent affronter Flash, quoi. Ouais, Genre. voilà, c'est des Ouais, c'était. voleurs, ils sont là pour le Ouais. challenge aussi avec Flash. Enfin, c'est un peu ce qui se passe qu'on trouve aussi dans les comics, hein, Ouais, c'est. voilà, je trouvais que c'était quand même assez bien reproduit, ça. Le fait que c'était, pour eux, c'est pas un jeu non plus, mais c'est vraiment, c'est cette obsession de Flash, quoi. Et je trouvais que Cold, là-dessus, Ah bah bah, oui. c'était plutôt bien reproduit, je trouve. C'est pas pour autant qu'il faut prendre le spectateur pour un con. Ah. Et franchement, c'était très décevant. Comment il s'appelle? Moi, Heatwave était vraiment voilà, ridicule. moi j'étais très très déçu par Dominic Purcell dans Mais Heatwave. j'avais envie de dire, mec, prends une pastille pour la gorge pour commencer. C'était vraiment décevant, le personnage était ridicule. Et les scénaristes prennent les spectateurs pour des cons. Déjà, Flash, pourquoi? Pour arrêter les deux méchants, pourquoi il prend juste pas leurs armes? Comme il fait avec le Pied Piper, pour commencer. Deuxièmement, pourquoi les flics ne mettent pas des snipers sur les toits? C'est réglé en 5 minutes. Donc vraiment, chapeau les scénaristes. Et sinon, l'intrigue en elle-même, il se passait rien. C'est, on va attirer Flash, il vient pas, bon, c'est pas grave. Moi, je veux mon pognon. Non, tu vas rester avec moi. D'accord. Et après, ils attaquent Flash. L'intrigue qui dure 5 minutes Mais et qui est c'était le écrite sur un plan ticket de métro. pris. Ouais, mais les deux, c'est voilà, c'est vraiment, c'est des vilains, un peu. Ouais, quand je dis bracassés, c'est vraiment ce que je pense des fois d'eux, quoi. Et du coup, puis pour répondre à ta première question, s'ils leur avaient pris leurs armes, on n'aurait pas eu cette splendide scène où ils se fait pourchasser par les rayons. Oui, Donc, mais c'est juste ridicule. oui, non, mais C'est du site de effectivement, Belgo, quoi. j'étais pas hyper convaincu par cet épisode de reprise. J'ai été convaincu, moi, par Captain Cold, que je trouve vraiment costaud. Oui. Enfin, voilà, Wentworth Miller, je trouve vraiment bon dans son interprétation. Il campe très bien le personnage est bien développé. Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette version de Captain Cold. Effectivement, Heatwave, déception. Après, moi, là où j'ai vraiment retrouvé la série The Flash, c'était dans l'épisode 11, le deuxième, donc, de la semaine dernière, où là, j'ai retrouvé plein de choses. J'ai retrouvé l'humour, j'ai retrouvé Pied Piper, un ennemi. Cliché, chiant, Bah, mal interprété. c'est Pied Piper, quoi. C'est. Petit J'étais côté Harry juste. Potter. Oui, je vois pourquoi, mais. Mais ouais, enfin, j'ai l'épisode 11 m'a vraiment presque réconcilié avec la série. T'as de la chance. Non, pas toi. Byron, Elodie. Juste, moi, dans l'épisode 10, les deux méchants, clairement, le côté sympa, c'était le clin d'œil à Prison Break, quand même. De les avoir fait tourner ensemble, les deux, et pas Oui. Le séparément. problème, c'est qu'on va revoir Dominique Purcell et ça va être chiant, quoi. Ça, après, voilà. Ouais. Après, l'épisode 11, oui, non, c'était sympa. Je trouve que c'est dommage parce qu'ils sont pas allés encore. Ils n'ont pas développé assez le personnage. Bon, après, un épisode, c'était trop court. De Il Pied va Piper, tu veux revenir. dire? Ouais. Oh, c'est quand même, il a quand même déjà pas mal de background pour un personnage qui est arrivé dans l'épisode et en 40 minutes, ils ont quand même traité plein de choses. Son lien Parle pas avec. du background, excuse-moi, c'est pas parce que tu parles latin que t'es super intelligent. Oui, mais son lien dans le passé avec Harrison Wells. Ça, c'était décevant. Ça aurait été très intéressant quand il dit je connais son secret, C'est qu'il ait ça. une piste Tu du comprends pas? vrai secret et pas juste qu'il était au courant Mais que ils allaient Joël pas, était. il Tu va pas comprends pas lui de quoi il dire, il parle va en pas lui fait. dire maintenant, il va lui balancer dans quelques épisodes quand l'équipe va se reconstituer. Mais qui dit qu'il le sait? C'est pas sûr qu'il Oui, le c'est ça. sache. En fait, il y a plein de choses Le qu'on. secret, c'est juste qu'il est au courant qu'il y avait un risque que la machine explose. Ça Oui, aurait mais été plus qu'est-ce qui fait? intéressant que son vrai secret, Moi, qu'il connaisse le vrai le secret. vrai secret pour moi, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé le soir de l'accélérateur de partout où l'accélérateur de particules a été mis en route? Et est-ce que finalement cet accident n'était pas volontaire? Mais c'est quoi ce Et truc au problème c'est. aux oreilles là, les cris qu'il a dans sa tête? Bah c'est en fait c'est une des séquelles qu'il a de l'explosion. Voilà, c'est ça, mais pareil, ça il l'explique pas. Qui a compa... Si, si, il le dit, ça Il lui a explique complètement pas. perturbé son ouïe, etc. Il le dit rapidement, mais il le dit. Mais il était pas censé être là le moment de l'explosion. Ouais, mais est-ce qu'il était pas là pour parce que lui, il savait que c'était pas un accident et que Wells ça préparait quelque chose et est-ce qu'il était pas là pour tenter d'en empêcher? Oui, bah c'était pas assez mis en avant. Bah pour moi, ça me suffit pour le moment à me poser des questions et on verra après si les idées que je me fais sont bonnes et c'est en ça aussi que j'ai été réconcilié avec la série, c'est que enfin j'ai envie de comprendre des choses. Et pareil, par contre, je te rejoins sur le côté humour. Ah, ça fait du Qui. bien, hein. Ouais, Purée. oui. Largement. Sinon, on peut parler des personnages secondaires qui servent à rien. On peut, Ont-ils vas-y. déjà servi à quelque chose? Non, mais c'est vraiment le gros défaut de la série, quoi. Il y a deux personnages qui ont du potentiel, clairement. Kathleen et Sisko, qui ont été un petit peu mis en avant dans l'épisode 11, un peu plus, on va dire. Et Kathleen un peu dans l'épisode 10. Mais depuis le début, c'est dommage parce que eux ont un vrai potentiel qui est absolument pas exploité. Et alors, Iris, je peux pas, j'y arrive pas. C'est de pire en pire. Je pensais qu'elle allait devenir intéressante quand elle allait devenir journaliste, mais non. Non, c'est nul, enfin. C'est terrible. Ouais. Ouais, ma foi. Je sais pas, même limite la relation que Barry entretient avec le père d'Iris est plus intéressante que sa relation avec Iris. Je suis d'accord. Ah bah oui, non mais clairement, c'est clair. Bon, puis les autres, on les voit pas trop, hein. Bah d'ailleurs, il y en a un qui est absent depuis Noël, c'est Eddie. Malheureusement. On le voit. Ah bon? On Aussi, voit on le pas voit. dans le 10. Si, on le Si, il voit. vient chercher les bagages, Ah attends. oui, Quelle super, scène oui. magnifique! Oui, Si, bah il a fait voilà. une petite blague. Attends, il essaye de faire une petite blague à son beau-père. Et si, on le voit dans le 11, puisque à la fin, Joe lui dit qu'ils vont enquêter sur Wells. Ah oui, bah voilà, bah c'est le seul moment où on le voit dans Mais le si, 11. puisque même dans le 10, Enfin, c'est plus que il les aide 9 Flash. précédents. Dans le 10, il aide Flash avec à le Ah oui. protéger des rayons. Ah oui, c'est vrai, avec les sortes de boucliers et tout, là, oui, c'est vrai. Mais c'est Il pareil, il n'a a un peu jamais eu plus autant avant lui. Hein. d'intrigues avant. Ouais, C'est non, vraiment non, exceptionnel. Ah, mais il est transparent et clairement, je pense que d'ici la fin de la saison, il va crever. Hein. Non, il va prendre plus d'ampleur. Je pense. Ah bon? À cause de Après, son je connais nom. pas les comics, hein, mais à première Ah vue. voilà, c'est à cause de son nom qu'il doit être amené à prendre de l'ampleur, mais. Sais pas ce que moi j'aurais dit qu'il allait crever pour laisser place justement à Barry, quoi, mais. Mais après, il peut juste mettre Iris enceinte et crever, hein. Ah, parce Ouais. qu'il laisse. Non, parce que clairement, le personnage de la famille Sohn qui est important dans la mythologie de Flash, c'est pas Eddie. Eddie, on le connaît même pas d'ailleurs. D'abord, voilà. Est-ce qu'il existe d'ailleurs? On sait pas. On sait juste que le personnage Eobard Sohn est important. Mais Eddie, non. Donc ça se trouve, il peut très bien mettre quelqu'un enceinte et ça sera ce petit gamin qui sera Eobard et voilà. Bye bye, l'affaire Oui, est dans la bouclée. saison 10, quoi. Oui, pourquoi pas. Enfin, et Oh non, encore. moi je pense qu'il peut crever à la fin de la saison, alors. Oui, bah oui, si met quelqu'un enceinte avant, oui. Pareil pour le père de Iris. Hein. Bon. Non, pas Non, toujours. par C'est le contre, seul John, non. personnage intéressant. Il est très très bien. Bon, bah voilà. Alors, on va, juste pour conclure rapidement en deux mots, votre ressenti donc sur ce retour de The Flash, rassuré, convaincu ou pas, Arnaud? Déception, des personnages secondaires qui n'avancent pas, l'intrigue du River Slash qui n'est même pas fait mention, et des méchants très très décevants. Byron. Je serais assez globalement de l'avis d'Arnaud, mais peut-être pas aussi sévère que lui, parce que bon, je trouve que l'intrigue, elle avance quand même bien, ça devient quand même un peu intéressant, mais je trouve que c'est quand même encore en dessous de ce que j'attends, comme. Que ce soit une vraie bonne série, quoi. Elodie. Plutôt de l'avis de Byron, disons que c'est divertissant. Ok. Et moi, je trouve ça encourageant, puisque enfin, avec l'épisode 11, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans la série. C'est encore pas parfait, mais on est sur la bonne piste pour retrouver le niveau du départ. Donc, à suivre dans le prochain débrief sur la série The Flash, et bah, qui interviendra forcément dans quelques semaines maintenant. Hein. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette première émission de Comic Stories sur nos écrans en nouveau format. On va vous donner les prochains rendez-vous. Samedi, vous avez rendez-vous avec la Padawan Edition, le premier épisode de la Padawan Edition, qui vous parlera de reboot et de relaunch. Mardi, on se retrouve pour le deuxième épisode du MAG. Donc, cette émission, vous retrouvez toutes les news comics, la question de la semaine et le comics de la semaine. Et puis, on se retrouve, quant à nous, jeudi prochain pour le deuxième épisode de Sur nos écrans, avec toute l'actu ciné, télé et le débrief de la semaine qui sera consacré à Arrow, puisqu'on aura terminé la trilogie consacrée à Black Canary. D'ici là, bonne semaine, bonne série et à bientôt. Salut. Salut. Ah.